sentiment de haine et d'incompréhension m'affolent. Je me suis juré qu'un jour, me vengerai, j'y arriverai. J'encaisse les torts et face à moi sont closes toutes les portes. Arrête-t-il que je suis trop énervé? Un mec propose du taf, s'avance vers moi puis m'aborde. C'est comme s'il m'avait observé. M'a proposé d'allumer des mères. À la base, ça ne m'en valait pas des masses. Repense en une seconde à ses élèves. Qui m'insulte, me traîne, puis me tabasse. J'ai décidé de me lancer, ça va parter. On m'a dit allume la mèche, éloigne toi, ça va péter. Coupe de champagne et triplement cadré. Suivi d'un tonnerre d'applaudissements, tout ça parce que j'allume, j'allume, j'allume la mèche. La mèche, j'allume, j'allume, j'allume la mèche, j'allume, j'allume, j'allume la mèche. J'suis au bord de la falaise, au bord de la falaise, au bord de la falaise, au bord. Ça fait un moment que j'suis dedans, moi j'trouve pas ça embêtant. Des mecs qui me donnent le sourire et savent que j'prends pour un passe-temps. C'est vrai que j'fais des horreurs, rien à foutre tant que j'viens à l'heure. J'fais sauter des villages et des familles au bord de la peur. Et j'en passe. Égoïste, je le suis, un mec sans cœur, pas déçu. Voilà ce que je suis devenu. Aujourd'hui, je rentre plutôt prévu. Un appel téléphonique m'a surpris, j'ai de suite compris l'imprévu. Une mauvaise nouvelle, j'ai appris. C'est la merde dans mon village, ça parle de décapitage. Je perds son froid dans l'habitacle. À l'arrivée, pétage de câble. Je soulève des débris énormes, des corps amputés, même des morts. Des sables, des jouets de mots, des flammes forment le décor. Où est ma femme? Où est mon gosse? C'est la fin. Et tout ça. Valeu!